jeunesse, moi accepté que nous soyons jeunesse. Moi c'est un oiseau qui m'a volé, un jour ma joie, un poche composé. Est-ce que je yo dim son jeunesse, moi accepté que nous son jeunesse. Moi c'est un oiseau qui m'a volé, un jour ma joie, un bois composé. Est-ce une frère, est-ce une frère. Mais c'est ça que fait, yo servi mes rêves.